Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse « La diversité et les scènes françaises », une série de Stéphane Bonnefoy réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a ceux que l'on voit trop peu au cinéma. Une filmographie où les rôles dévolus aux Noirs racontent une société raciste qui s'ignore et une culture bourgeoise et blanche avec la rage de ne pas se voir sur scène pour 30% de la population. Mais d'abord, il faut rembobiner le film. Alors pour commencer, les personnages. Une comédienne lucide, le clown chocolat mais pas Monerville ni Dumas, un apprenti comédien pas dupe, Joséphine Baker, Omar Sy et Isaac de Bancolet, une actrice qui a renoncé, des historiens et une directrice d'école. Ensuite le décor, des plateaux de cinéma, des cités ou des commissariats, un cinéma colonial, des couloirs, les bureaux du CSA et la télévision. Aujourd'hui, deuxième épisode, on scrute les écrans. Dis-moi que ça n'est pas vrai. C'est pas lui, enfin c'est pas lui. Lui, Antoine? Il n'est pas italien. Dépêche-toi, Louise, il faut y aller. Viens. Carice, reste ici, je te l'ordonne. Écran noir. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy. Je l'aime, Antoine. Et Anna Schmuck. Non, tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas, ça n'est pas possible. Clarisse, n'ayant pas peur des mots, il est noir. Il n'est même pas café au lait, il est noir, noir. Enfin, tu n'as jamais de cauchemar quand tu travailles la nuit. Enfin non, pas la nuit, parce que... Et quand tu travailles le matin, que tu vois cette tête noire sur l'oreiller blanc, hein? Tu sais qu'il en a quatre. Quatre femmes légitimes, il te l'a dit. Tu sais qu'il ne dînera jamais avec toi. Tu le serviras à table, lui et tous les autres négros, 9 enfants, tous noirs. Il faut qu'il soit noir, très noir. Il faut, si possible, qu'il parle avec un accent et surtout qu'il fasse rire. Et donc, on ne peut pas être un acteur sérieux quand on est un acteur noir. On veut pas Sidney Poitier, on ne veut pas Denzel Washington, on veut Eddie Murphy. Alors mon pote, que ça va? Bon, c'est ça qu'on veut en France. Donc, je veux dire que pour pouvoir désamorcer le fait qu'on mette un film avec des Noirs ou qu'on mette des Noirs à la télévision un soir, il faut qu'il ait un accent et qu'on montre bien qu'il n'est pas nous. Et quel regard vous portiez alors sur ces films des années 80, Greg Germain? J'avais honte. Honte pour les camarades. Je ne leur en voulais pas, hein, parce qu'ils avaient besoin de gagner leur vie. Et chacun fait comme il sent. Mais honte surtout pour ceux qui écrivaient ça. Et puis bon, malgré tout, c'est drôle. Parce que c'est drôle, hein. Ben oui, ça fait rire. Simplement, je me dis, moi, je ne l'aurais pas fait, c'est tout. Omar Sy est un acteur formidable. Chocolat est pour moi un film de merde. Ça a existé, le clown chocolat. La seule chose que je demande, c'est pourquoi redire l'histoire de Chocolat? Pourquoi celle-là? Intouchable. Enfin, vraiment, on me représente encore, le noir qui fait rire, qui danse, qui chante. Enfin, vous savez, moi, lorsque j'étais petit, je viens d'une famille très classique, hein. On apprend des poèmes, on apprend Montaigne, on apprend Voltaire, on apprend Rousseau, France mère des arts, des armes et des lois. Et on s'aperçoit que tout ça, pour ça, réduit à ce que l'élite décide de porter comme regard sur les nègres, sur les noirs, qui ne peut pas évoluer. Donc on ne va pas me servir l'histoire de Gaston Monerville, deuxième personnage de l'État pendant près de 15 ans, président du Sénat. On ne va pas me servir l'histoire du commandant Mortenol, chargé de la défense de Paris. On ne va pas me sortir l'histoire du chevalier de Saint-Georges, menant la Légion Saint-Georges à Valmy et défaisant les Autrichiens. On ne va pas me sortir Alexandre Dumas, ou alors on va le faire jouer par Gérard Depardieu, etc., etc. Bon. Donc on va toujours me sortir ces personnages qui sont un petit peu... Alors ils ont le premier rôle, c'est formidable, mais ils sont la représentation du noir tel qu'on se la faisait à une époque. À présent, mesdames et messieurs, un étrange représentant, que dis-je étrange, stupéfiant, représentant de notre espèce, rapporté d'un voyage ô combien périlleux au pays des mille collines et des grands singes, véritable chaînon manquant entre ces primates et nous. Donnez bien la main de vos enfants. Voici le roi nègre Kananga. Mouami, Wabala Soubila. Le le clown chocolat, qui était une grande star, une des premières grandes stars noires du musical. Vous savez quel est le film qui est sorti récemment avec Omar Sy, Chocolat. Donc il a été filmé par les Frères Lumière, par exemple, dans des rôles de musical où il joue bien sûr les clowns et les comiques. Et c'est un peu comme ça sur tous les films jusqu'en 1914. Donc c'est Shazam basculin 1899, effectivement. Et là, on a l'impression que déjà quelque chose est fixé à cette époque-là, Régis Dubois. Ben, c'est-à-dire que dans l'imaginaire colonial, le noir, c'est un grand enfant qui est insouciant. Donc cette imagerie, en fait, colle aux acteurs noirs, aux personnages noirs, dès les origines. Footit et Chocolat, c'est donc un duel de clowns, un tandem dans lequel le blanc a quand même le beau rôle. Et le noir est corrigé d'ailleurs, hein, souvent à la fin des sketchs, où l'expression semble-t-il être fait chocolat. Autrement dit, on a été berné, donc du coup, on est puni. Alors ça te plaît, faire le cannibale ? On a plus de place et moi je mange à ma faim. Ça arrive jamais qu'on te propose de faire quelque chose de différent. Pourquoi ? Je suis bien ici. Je m'appelle Georges Footit. Peut-être que tu me connais, je suis clown. Je cherche quelqu'un comme toi, quelqu'un pour renouveler mon numéro. Tu cherches un nègre ? Enfin, pour moi, ce qui est dommage dans le film, c'est que, au lieu d'avoir montré la dimension héroïque de ce personnage qui a eu un destin absolument extraordinaire, qui meurt en 1917, hein, en tournée, dans un petit hôtel, avec ses amis qui tournaient aussi pour le même cirque, notamment Footit. Hein. Sylvie Chalaille. Ça n'est pas ce que montre le film. Le film montre une espèce de dégringolade terrible, l'impossibilité de trouver sa place. Il y a toute une histoire qui se construit avec un personnage venant d'Haïti qui tente de conscientiser Chocolat, comme s'il n'était pas conscient et comme si finalement Chocolat prenait des coups de pied au derrière sans se rendre compte qu'on l'utilisait, qu'il était aliéné. En fait, la starisation autour du duo Footit et Chocolat est un pan de son histoire. Et il est d'ailleurs à l'origine de la construction de ce duo moderne pour les clowns. Donc, ça aurait été bien de faire un film qui héroïcise un peu le personnage de Chocolat et qui montre la puissance et la valeur de ce personnage plutôt que, je pense, enfin, de le victimiser et de montrer encore une fois ce que les afrodescendants savent bien. On n'a pas besoin de leur raconter ça, ils le savent. Par contre, ils auraient besoin d'avoir des héros et qu'on soit fiers de revendiquer Chocolat comme un artiste de la nation française. Or, on l'a utilisé pour, finalement, battre sa coulpe. Bah, je trouvais que ça se ressemblait assez. La troisième, c'était nettement autre chose. Les deux premiers, c'était deux émotions ou sensations, en tout cas, qui se ressentaient. Je sais pas ce que c'est. Hein. École Miroir, Épinay-sur-Seine. T'as vu du gris ? Moi, j'ai vu. Non, pas la première. Denis, vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'exercice en fait ? Alors, c'est ressentir des émotions, enfin moi comme ça, c'est comme ça que je le perçois, ressentir des émotions à partir de différents, de trois types de mots. Un, c'est des couleurs, le deuxième, c'est une action, et le troisième, c'est un animal. Et en fait, c'est comment rentrer dans la peau de l'animal ou de la couleur ou de l'action. Et le montrer le côté extérieur. Et le montrer et intérieur, sans mots. Et en anglais. In English, action comes through. It's like it's when we speak about it in. Dani Beaumont, vous êtes une élève de l'école Miroir. Comment est venue votre envie de devenir actrice ? Alors, moi, je voulais pas du tout devenir actrice, mais vraiment pas du tout. C'est venu vraiment tardivement. C'est une ancienne prof de théâtre que j'ai eue plus jeune, enfin, dans des ateliers à Villejuif. Et en fait, elle m'a vraiment prise la tête là-dessus, parce que après, j'avais du talent, il fallait que je continue. Elle me voyait dedans, alors que moi, personnellement, j'étais issue de quartier, dans une famille pas du tout dans le monde artistique. Pour moi, c'était vraiment trop loin de moi. Du coup, j'ai animé avec elle des ateliers autour du théâtre avec des jeunes de la banlieue où j'habite. Et je me suis dit, je m'éclate à faire du théâtre. Je me suis dit, pourquoi pas? Et j'ai passé des concours. Je passais les premiers tours, deuxième tour. Je me suis dit, en fait, je suis pas si nulle que ça. Il y avait un défi, en fait. En rentrant au conservatoire, j'ai vu que c'était pas si facile que ça et que il y avait beaucoup de travail et j'aime le challenge. Enfin, la première fois que je suis montée sur scène, c'est le seul lieu où je me suis sentie vivante et. Une couleur, et vivre, en fait. On s'en fiche, on les mélange. How are you? I have to speak English. Qui a un chapeau, on met dans un chapeau. Mais pourquoi tu veux mettre dans un chapeau? Parce que c'est comme ça. Catherine Jean-Joseph, pourquoi avoir fondé l'école Miroir en 2011 ? Je me suis rendu compte que, après avoir travaillé dans les chaînes de télévision comme France 2 et TF1, qu'il y avait une partie de la société, de l'imaginaire français, qui était laissée en jachère. Et je suis allée à l'endroit même de cette non-acceptation. C'est-à-dire, je me suis ancrée dans un territoire où ces jeunes, à qui on disait « non, c'est pas possible », de leur dire « oui, c'est possible ». Quelle est leur difficulté première ? La confiance. Ils se sont dit « c'est pas pour moi ». Est-ce que j'ai le droit de rêver ? Est-ce que je peux m'autoriser à rêver ? C'est le cas de la première promotion qui a commencé en 2011 et qui aujourd'hui travaille. Ils travaillent tous. Ils ont même joué dans un court-métrage qui a eu le prix Canal+ au Festival de Clermont-Ferrand, qui a eu le prix Jean Vigo et qui a été sélectionné au César 2016. En fait, toi, tu fais une action... Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Tu fais une action concrète. Et c'est un truc un peu abstrait, ce qu'on demande, de toute façon. C'est, tu vois, quand on voit les stars à la télé, les comédiens, etc., je vois personne qui me ressemble concrètement. À part peut-être Aïssa Maïga, et encore. On voit pas de noir là-dedans, à part être humoriste. Enfin, j'étais plutôt attirée par les films afro-américains parce que il y avait un reflet de moi à l'intérieur de ça. Mais c'était encore trop loin de moi parce que c'était pas du tout en France. C'est important pour vous de vous identifier, vous citez Aïssa Maïga, Danny Beaumont. On a besoin de modèles pour grandir. Je sais pas si c'est les jeunes de banlieue, je pense pas que ce soit les jeunes de banlieue, je pense que tous les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de modèles et de pouvoir s'identifier à quelqu'un. Et nous, enfin moi je sais que quand j'étais plus jeune, on s'identifiait au Beyoncé, etc. Parce que, et encore Beyoncé, elle était trop claire pour nous, parce que c'était des filles qui étaient beaucoup plus proches de nous, à qui on aurait pu ressembler. J'aurais pas pu ressembler à l'époque à Hélène de Hélène et les garçons. Cette chanson raconte, enfin les paroles disent qu'elle aurait aimé être blanche pour être aimée. Alors ça renvoie en fait à ce qu'on appelle aujourd'hui le colorisme. Le colorisme, c'est le fait de juger un noir par rapport à sa couleur plus ou moins foncée. Et dans les communautés afro-descendantes, aussi bien aux États-Unis que dans les Antilles, en Afrique, en France, c'est vrai que plus on est clair de peau, plus son statut est élevé en fait dans la communauté. Donc ça dit bien aussi la domination symbolique du modèle blanc en fait. Et pas étonnant après que Joséphine Baker aurait préféré être blanc. Elle joue dans quelques films, et notamment dans Zouzou, aux côtés de Jean Gabin, où elle joue une blanchisseuse créole, qui est la demi-sœur de Gabin, et un rôle aussi là assez stéréotypé, puisque Joséphine Baker aura toujours ce type de rôle, de la métisse un peu malheureuse en amour. Elle est amoureuse de Jean Gabin, qui lui préfère une blanche qui s'appelle Claire. Ça ne s'invente pas. Ces deux jumeaux, mesdames et messieurs, sont venus au monde il y a 10 ans aujourd'hui, dans une île de l'archipel polynésien. Leurs parents, une chinoise et un fou rouge, n'ont pas voulu les reconnaître, vu qu'ils n'avaient pas la même couleur qu'eux. Mesdames et messieurs, un petit salut les jumeaux. Zouzou de Marc Allégret, voilà. C'est un film dans lequel il y a tout un jeu sur le duo noir et blanc. D'ailleurs, le film démarre sur l'histoire mythique, donc bien sûr complètement fantasmatique, de ce couple donc constitué par Jean Gabin et Joséphine Baker, alors qu'ils sont montrés comme des enfants au début, hein, c'est des jumeaux, mais ils sont noirs et blancs, donc elle est noire, lui est blanc, et leur papa, c'est, alors ça n'est, le mot n'est pas dit, foutre tes chocolats, mais le tuteur qui s'occupe d'eux parle de leur papa et décrit effectivement chocolat pour le père de Joséphine Baker, enfin donc de la petite. Et du coup, on est tout de suite dans cette espèce de jeu du noir et blanc, l'opposition du noir et blanc, qui est d'abord la qualité du film, le travail plastique du film, le jeu donc sur les femmes blanches, les femmes noires, et il y a constamment des jeux de portraits, de miroirs dans le film. Donc elle va avoir l'opportunité de devenir une artiste, va remplacer une autre comédienne, Barbara, qui elle est absolument lascive, a aucune tonicité. Et le film parle aussi de ça. Et ça, c'est très intéressant de voir comment il y a un déplacement sur le type de sensualité qui se construit dans les années 30. Du côté, à la fois, donc, bien sûr, il y a une sensualité des femmes blanches, déjà dans une espèce de blondeur, avec donc des corps laiteux, qui est une certaine nudité hein, qui est montrée. Et d'un autre côté, on a la liane exotique que représente Joséphine Baker, avec une tonicité, une présence de son corps très très différente. Et ça, dans le film, c'est assez étonnant. Qui est là ? On peut entrer ? Non, impossible ! Nous sommes soutenus ! Elles sont soutenues. J'en ai passé les castings. Alors, j'ai passé un casting pour une fille de banlieue, hyper sauvage, qui devait taper une autre petite fille blanche, qui devait typer à tout va, hyper vulgaire. J'ai arrêté d'y aller, parce que ça me ressemblait plus. Enfin, je sentais que j'allais dans un truc qui n'était pas moi, donc du coup, j'ai arrêté. Beaucoup de castings ont demandé d'avoir des accents. Et du coup, je savais jamais quel accent je devais avoir. On m'a proposé quoi ? Ah oui, des rôles de prostituées. Souvent, quand on a des formes et qu'on est noir et qu'on ressemble pas au physique de la jeune première, on nous propose autre chose. Et moi, c'est souvent la prostituée. Et moi, c'est souvent ça. C'est souvent la fille hyper forte, hyper méchante, ou la fille bimbo et sensuelle qui a rire dans la tête. Après, je peux pas blâmer la personne qui est en face de moi. Peut-être qu'elle ne connaît pas, peut-être qu'elle est encore aussi dans son truc où elle regarde 90 minutes d'enquête et qu'elle est fermée sur ce qu'elle voit à la télé. Je peux pas non plus la blâmer. Mais j'aimerais bien aussi que les gens changent un peu et essayent de s'ouvrir, en fait, se documentent ou aillent vraiment à la rencontre des personnes dont elles pensent connaître et parler. Enfin, c'est ça que je trouve assez triste, moi. Qui se passe dans les années 30, 40, 50, c'est ce qu'on appelle le cinéma, enfin le cinéma colonial est à son apogée. C'est l'époque, par exemple, en bande dessinée, on a Tintin au Congo, par exemple, c'est la grande époque aussi des expositions coloniales. Donc, ce qu'on voit comme personnage noir dans le cinéma de cette époque-là, du cinéma colonial, c'est effectivement un personnage de serviteur ou de barbare sauvage. D'ailleurs, on voit plus trop ces films, hein. Je pense qu'il y a une sorte de honte par rapport à ces films qui, par ailleurs, ne sont pas très intéressants, mais. Comme L'homme du Niger, par L'homme exemple. L'homme du Niger, ce genre de film, ouais. Qu'on connaît assez peu finalement. Vous n'auriez pas un whisky bien glacé dans votre pharmacie ? Si, à prendre à Bamako ou à Tombouctou, à 400 km d'ici. Ah, la jeunesse, la soif, la sécheresse, la famine, la maladie, quel joli pays, hein, ça. Ah, et deux années sans une goutte de pluie. Vous en avez assez ? Oh oui ! Non, alors, donc, vous ne pourriez pas vivre ailleurs. Bon, c'est bien malin, évidemment. C'est tout le bien que vous faites ici, mon commandant, qui vous attache au Soudan. Le bien ? Oui. Oh, mettez la pédale, mettez la pédale. Globalement, on peut dire que jusqu'aux années... presque 80 en fait, 1980, il ne se passe pas grand-chose, hein. Il n'y a pas une grande évolution dans la représentation des Noirs au cinéma. Il y a quelques cas particuliers assez isolés et assez intéressants, notamment dans l'après-guerre, dans les années 50-60. Alors par exemple, dans les cas importants et que tout le monde connaît, je pense c'est Orfeo Negro, qui est un film de Marcel Camus, qui a la Palme d'Or à Cannes et qui a aussi l'Oscar du meilleur film étranger. C'est un film français, mais qui se passe au Brésil, dans les favelas, et qui raconte en fait une histoire d'amour entre deux personnages noirs, un jeune homme et une jeune femme. C'est quand même une tragédie. Donc c'est un film super rare en fait, parce que c'est un film français, et qui marche très très bien en plus. Donc c'était déjà le signe qu'on pouvait caster des acteurs noirs et avoir du succès. Malheureusement c'est une expérience qui ne sera pas reconduite, très bizarrement. Il faut dire que c'est un film qui apparaît à la veille de la décolonisation. Rien que cette mauvaise vie, mon vieux, si je savais que c'est ainsi que je vais vivre à être bien comme malheur journalier, ben merde. Alors, l'autre film intéressant, c'est Moi un noir, de Jean Rouge, qui est un ethnologue et réalisateur de documentaires, qui fait là une sorte de docu-fiction, dont le personnage est un Africain, un Nigérian, si je ne me trompe pas. Et ce qui est intéressant, c'est que. Alors, c'est un film qui a beaucoup inspiré la Nouvelle Vague, puisque c'est un film qui est très libre. Il a été tourné sans son, la voix a été rajoutée après, ce que fera Godard, par exemple, dans Un bout de souffle. Et d'autres. Donc c'est un cinéma qui est un cinéma vérité, qui est très, très dynamique et très libre. Et par ailleurs, c'est presque un manifeste, Moi un noir. Il y a d'autres qui sont bien logés, qui sont bien nourris et qui habitent même près de Dieu parce qu'ils habitent à 12 étages peut-être même. Et moi, j'habite de l'autre côté. Et nous sommes logés dans des cases, dans des maisons et qui ne sont pas bien faites comme sur le désordre. Oui, voilà tout je suis. Jean Rouch, 1961. Alors j'ai commencé à faire ces films dans ce but, d'essayer de montrer aux hommes de la société à laquelle j'appartiens comment étaient ces autres hommes, qu'ils avaient un message à apporter, qu'ils avaient quelque chose à dire, que nous n'avions pas simplement à aller en Afrique pour être les maîtres, pour être les professeurs, mais que nous pouvions nous aussi apprendre quelque chose en allant en Afrique. Et c'est comme ça que j'ai fait ces films. Et petit à petit, ces films étaient des films documentaires. Mais de plus en plus, est-ce un tempérament personnel, j'en sais rien, je m'intéressais aux personnes. Et c'est comme cela que j'ai fait le film « Moins noir » à Abidjan il y a quelques années, en me disant, enfin, on parle des Africains, on le parle comme s'ils étaient des bêtes, comme s'ils étaient des insectes, il faut leur donner la parole. Et j'ai réalisé ce film en rencontrant un docker auquel j'ai donné la parole. On peut citer aussi comme film de la période, un film remarquable, c'est « J'irai cracher sur vos tombes » de Pierre Gast, qui est un film de la fin des années 50 et qui est d'après, bien sûr, le roman célèbre de Boris Vian. Là aussi, c'est intéressant parce que c'est un film qui dénonce le racisme, mais pas en France. Puisque ça se passe aux États-Unis, c'est un film français, fait par des Français, avec des acteurs français. Mais la diégèse, dirait-on, se déroule aux États-Unis et, pour le coup, on dénonce une fois encore le racisme ou en tout cas, on évoque le noir de l'ailleurs et pas le noir de France. En fait, dans les années 60-70, on parle quasiment plus des noirs, en fait, hein. Une époque, quand même, avant les années 60, on a eu jusqu'à 30 députés à l'Assemblée nationale noirs. C'est vrai qu'avec la fin de la colonisation, les noirs disparaissent, en fait, de l'Assemblée nationale, mais aussi, du coup, du cinéma. On n'a quasiment pas de noirs dans les films français des années 70. En fait, ce qui apparaît, par contre, à cette époque-là, c'est des films du tiers-monde, on va dire, en tout cas des films de l'ailleurs. Je pense à Ousmane Sambène, par exemple, qui est le premier réalisateur noir, donc sénégalais, en l'occurrence, de langue française, qui réalise La Noire 2. Je pense aussi, par exemple, à Melvin Van Peebles, qui réalise La Permission, en 1967. C'est tout ça pour dire que les films qui parlent de la question noire ne sont pas faits par des Noirs de France, mais des Noirs étrangers. Même pas des Noirs antillais, des Noirs étrangers. Soit américains, soit africains. Et il faudra encore longtemps avant que des Noirs de France, d'outre-mer ou de métropole, se mettent à faire des films. Regardez-moi ces idiots, là. Pour obtenir la plume, ils gueulent et ils égorgent des poulets. Et ils dansent. Les dieux noirs n'aiment pas leur danse. J'ai réuni leurs poulets. Est-ce que le cinéma français aussi doit s'emparer davantage de l'histoire, Pascal Tessot? Alors le problème du cinéma français, c'est qu'il est financé par l'État. Donc dès qu'on aborde l'histoire coloniale, les guerres, c'est tabou. Pourquoi on n'a pas fait plus de films sur la guerre de l'Algérie, sur l'Indochine, sur le colonialisme en Afrique? Pourquoi on n'a pas fait un grand film sur l'esclavage, avec quand même Bordeaux, Nantes, bon, on était quand même dedans, hein, Napoléon Bonaparte, etc., l'île de Gorée, etc. Pourquoi on ne fait pas des films là-dessus? Alors qu'aux États-Unis, quand même, vous avez vu quand même énormément de films qui abordent la guerre en Irak, la guerre du Vietnam, les Nixon, JFK, enfin énormément de tabous politiques, etc. Les réalisateurs américains, ils ont du courage pour critiquer justement cette hégémonie blanche, cet ethnocentrisme colonial. Et nous, on ne fait pas le travail parce que ça dérange, ça va attaquer l'État, ça va attaquer les militaires, les anciens résistants, les anciens militaires, etc. Comment ça se fait que le plus grand film sur la guerre d'Algérie est tourné par un Italien? Gillo Pontecorvo, la bataille d'Alger, c'est un chef-d'œuvre. Pourquoi ça n'a pas été fait en France? Comment ça se fait que le film de Stanley Kubrick, Sentier de la gloire, sur 14-18, a été censuré en France carrément? Le camp de Tiaroy, ce film qui montre que le jour de la libération de Paris, des tirailleurs sénégalais au Sénégal ont fait grève parce qu'ils touchaient deux fois moins que les anciens combattants blancs. Et du coup, ils se sont fait massacrer par l'armée française. Bah, pourquoi ce film a été censuré? Donc, il y a trop de tabous. Et à partir du moment où les gens qui viennent de cette mémoire-là se sentent oubliés, méprisés par la France, bah, on construit pas que des bonnes vibrations. Je pense qu'il faudrait crever des abcès et justement rendre hommage à toutes ces blessures de l'histoire. Et ça pourrait faire avancer les choses dans le bon sens. Les gens disent « Ouais, faut pas remettre le passé en permanence sur la table, c'est pas constructif. » Ben non, mais l'oubli, le déni est une catastrophe. Et moi, je pense qu'il faut que la culture et le cinéma abordent tous les sujets sans tabou. Et il y a trop d'autocensure et trop de censure tacite. On sait mieux l'histoire américaine. Il y avait une directrice du casting qui un jour m'avait dit ça, qui m'avait dit « Les Noirs américains, eux, se sont battus ». Ça voulait dire beaucoup de choses. Ça voulait dire que les Noirs français ne s'étaient pas battus. Waouh. Yasmine Modestine. Mais si. Bien sûr que si. Bien sûr que si, dans les Antilles, ils se sont battus. Bien sûr qu'il y a des gens comme Bicette, comme Raymond, enfin, qu'il y en a plein qui se sont battus, qui sont venus lors des conventions, lors de la convention. Tout ça, c'est de l'histoire, mais c'est une histoire qu'on ignore totalement. Mais zéro. On connaît mieux les champs de coton, à tel point que on va me faire une réflexion, on parle sur un tournage, une fille qui me dit « Oh, quand tu chantes comme ça, on se croirait dans les champs de coton. » Eh bien oui, mais les champs de coton, c'est pas l'histoire de France, ça. C'était les champs de canne à sucre, l'histoire de France. Il y a aussi les cultural studies, comme les gender studies. En France, c'est un drame pour faire les études de genre et les études culturelles. Et c'est une bagarre dans les universités. Si justement, les acteurs ont tout à fait conscience que, attention, si tu joues Othello quand t'es blanc, tu dis quelque chose, c'est aussi parce qu'il y a eu ces cultural studies. Et en France, n'ayant pas ça, ben bon, allez, on peut faire ça et on peut faire que Alexandre Dumas soit joué par Depardieu. Donc je comprends très bien dans un raisonnement de producteur, pof, Depardieu, ok. Mais c'est extrêmement violent pour les comédiens noirs qui, depuis des années, sont en pénurie de rôles et souffrent de ça et réclament des rôles. Donc c'est toujours dans le même sens. L'universalité est toujours à sens unique. Vu d'ici, le blanc est universel. Le noir est particulier. Maintenant, imaginez l'effet que ça fera sur scène quand Haïdé accuse Morcerf d'avoir tué son père et de l'avoir vendu comme esclave. Ça peut être grandiose. Je vois d'ici le public. Ils ont les larmes aux yeux, la rage aux dents, tous partis pour lâcher Morcerf. C'est du très beau théâtre, Alexandre. Vous vous lancez ? Le cinéma étant une forme populaire d'accessibilité quand même au savoir, aussi, si on brouille les pistes dès le départ, c'est plus possible. Enfin, c'est ça qui a beaucoup agacé à la fois les artistes qui se disaient bah, « Pour une fois qu'on met en scène un héros noir, pourquoi on ne va pas chercher des acteurs noirs capables vraiment de l'incarner ?» Et d'un autre côté, c'est encore une façon de ne pas vouloir regarder en face le fait que « Si, si, Alexandre Dumas, il était noir. » Et du coup, ça nous dit tellement de choses aussi sur cette idée des personnages aussi, la couleur du personnage. Est-ce qu'on s'est posé une fois la question de savoir quelle couleur Dumas donnait à ses personnages ? Puisque lui-même, il pouvait évidemment imaginer la question de la projection donc d'un tel ou tel personnage. Et du coup, qui dit que les mousquetaires, ils étaient tous blancs ? Pourquoi auraient-ils été tous blancs ? Pourquoi on ne parvient pas à faire de grands films sur de grands héros, de grands films populaires, sur de grands héros de notre histoire de France qui sont afro-descendants ? Aïe ! Mais pas la main douce. Ah ça, ma chère, on peut pas être noir et sensible de la tête, hein ? Vous battez pas, mes meilleurs. Je vais choisir parmi vous celle qui aura le privilège de me couper les cheveux. Tu confesses la crème qui me blanchit le mieux. Vous avez essayé de la mélanger avec un peu d'eau de javel et de cortisol. C'est encore plus efficace. J'ai une amie qui était aussi noire que lui. Et aujourd'hui, on dirait une véritable métisse. C'est vrai, je suis un peu noire, là. Ah, ça ? Quoi ? Tu vas quand même pas te mettre à te blanchir la peau, toi aussi ? S'il y a des cocottes complexées qui veulent avoir la couleur peau de banane, c'est leur affaire. Mais nous, dans notre famille, on reste couleur locale. S'il y en a qui veulent rester des macaques. Dans les années 80, on peut dire qu'il y a un vrai changement, Régis Dubois. On peut dire que c'est vraiment l'arrivée des Noirs dans le paysage audiovisuel français. C'est vraiment le moment où le noir devient la mode. La vague Michael Jackson, mais aussi et surtout, c'est Yannick Noah, c'est Marius Trésor, c'est H.I.P.H.O.P. de Sydney. C'est la campagne aussi Touche pas à mon pote, la campagne Benetton. Enfin, toutes ces années 80 qui étaient dans l'antiracisme. Alors l'époque a changé, mais en tout cas, à l'époque, le noir devient branché, très clairement. C'est aussi l'apparition du rap, hein, qui commence à émerger. Bref, c'est tout ça. Donc, clairement, le cinéma va relayer, en fait, cette mode du black. Parce qu'à l'époque, on disait les blacks. Ils étaient cool. Alors, par exemple, c'est des films comme Black Micmac de Thomas Gilou, 86, si je ne m'abuse, avec Isaac de Bancolet. Isaac de Bancolet qui recevra le César du meilleur espoir, donc premier acteur noir français à recevoir un César. Et qui incarne ce noir un peu à la Eddie Murphy, le noir cool, sympa, déconneur, assez insouciant, qui est aussi une forme de stéréotype. C'est le bon pote noir, en fait, qui est sympathique, avec qui on aime bien s'amuser, mais ça va pas au-delà, en fait. C'est ça un peu l'idée aussi, touche pas à mon pote, cette ambiance-là où ça fait bien d'avoir un copain noir, mais en fait, ça ne dépasse pas le stade d'une certaine sphère, en fait, de l'amusement. Et je trouve que dans le cinéma de cette époque-là, c'est ce qu'on retrouve, en fait. Il n'y a pas non plus de véritable conscientisation. C'est-à-dire que Il suffit d'aimer Touré Koundé, d'aller au concert ou donc de voir les films de Thomas Gilou au cinéma, bon, pour penser qu'on est dédouané en fait, des dangers du racisme. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne pensent pas que c'est plus facile finalement d'être raciste que de ne pas l'être. Et qu'en fait, il faut lutter contre soi pour ne pas accepter les clichés, pour déconstruire les fameux clichés. Or, dans Michel Leeb, quand les spectacles de Michel Leeb et effectivement les caricatures, elles ne se veulent pas nécessairement ni dégradantes, ni violentes, ni humiliantes vis-à-vis des Africains. Si vous interrogez Michel Leeb, je suis sûre qu'il vous dirait qu'il n'avait pas l'intention de blesser quiconque. Parce qu'on ne se met pas à la place de l'autre, parce qu'on est toujours dans ce regard surplombant de l'occidental sur l'autre, et qu'on regarde toujours le monde du même point de vue. La société française ne se rend pas forcément compte que ces choses-là grincent, et qu'en fait, bon, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais les afro-descendants de l'époque qui voyaient ces spectacles-là, enfin, qui voyaient à l'image, à la télévision notamment, bon... J'ai envie de bouffer de l'arabe. Bouffer de l'arabe. Ce matin, bouffer de l'arabe. Vas-y, allez. En 1978, Greg Germain, on vous découvre dans une série qui est alors très, très populaire, qui s'appelle Médecin de nuit. Pour la première fois, le public français découvre un noir dans un rôle important à la télévision. Comment ça s'est passé? D'une façon très bizarre. Je venais de faire Borsalino & Co., un petit rôle très visible. J'ai passé une audition en présence de l'auteur, Bernard Kouchner, qui m'a avoué après qu'il a écrit ce rôle pour ce médecin noir, parce qu'il avait comme ami étudiant le docteur Alpha. Et puis voilà, et ce rôle, je l'ai fait pendant 7 ans. Aujourd'hui encore, je suis dans l'inconscient collectif des Français. Quand ils me voient et qu'ils me reconnaissent, ils disent tout de suite « médecin de nuit ». Ce qui peut être étonnant après, c'est que effectivement, ben ça n'a pas fait bouger grand-chose, et que à partir de cette date, vu les rôles qu'on me proposait, j'ai décidé d'arrêter de faire de la télévision et du cinéma, par conséquent. Et comment expliquer à ce moment-là ce rôle, cette visibilité assez exceptionnelle ? La société était apaisée à ce moment-là. Il n'y avait pas de problème véritablement. Et je crois que ces problèmes ont été aussi démultipliés, peut-être un peu inventés, par ceux qui ont décidé de dire que, par exemple, TF1, qui a été vendu quasi à ce moment-là, a décrété que, comme il y avait 15% de gens qui votent Front National, qu'il fallait qu'à 20h30, il n'y ait ni nègre ni arabe. Ça s'est dit, ça s'est dit. Alors, je me marre aujourd'hui parce que 30 ans après, ou 35 ans après, je n'ai pas fait de télévision et il n'y a pas 15% qui votent Front National, mais 35%. Et 40% quelquefois dans certains endroits de France. Donc on s'aperçoit bien que ça n'est pas la présence des étrangers. Le plus dur, c'est de s'arrêter à temps, tu vois. Faut pas s'énerver, tu vois. Faut savoir se calmer. C'est ça le plus difficile. Tu vois ? Hein ? Hein ? Hein ? C'est ça, c'est tout. Tu sais, c'est celui-là qui me plaît. C'est vrai qu'il y a eu comme un élan au début des années 80 qui est retombé. Et on va retrouver en fait les Noirs par la suite dans les films de banlieue, pour aller vite, à partir de 95, avec La Haine de Mathieu Kassovitz. Oh, je m'occupe pas de toi, toi. Hubert. C'est quel? Ah non, c'est pas celui-là. Non, celui-là, non, celui-là, non, celui-là pas, il a pas une tête, ça s'appelle Hubert. Non, non, lui, il est français, c'est Saïd. Saïd, oh, c'est joli, ça. Saïd. C'est joli, c'est Saïd. C'est français, ça. Sans déconner. C'est joli, ça. C'est joli, ça. Est-ce qu'elle est là, c'est français? Regarde. C'est très important, en fait, dans la mesure où c'est le film qui amène la diversité au cinéma, avec cette idée d'un casting choral, le noir, le blanc et l'arabe. Mais surtout, ça va enfermer aussi les noirs dans des rôles de jeunes de banlieue. Le plus dur, c'est d'éviter la bavure. C'est pas l'envie qui manque. On fait pas toujours ce qu'on veut. Hein. Pas vrai? Ah, putain, fils des chiennes. Bon, allez, on y va. Je trouve que Kassovitz, c'est un peu le Spike Lee français. D'ailleurs, ses deux premiers films s'inspirent des premiers films de Spike Lee, hein, puisque La Haine, c'est quand même très proche de Do's Right Thing. Comme Métis était proche de Nola Darling. En tout cas, il a joué le même rôle que Spike Lee aux États-Unis. Il va ouvrir la porte, en fait, aux minorités. Il y a par exemple Rachid Jadaï, qui figure dans le film, qui participe au film, en fait, je crois qu'il fait la sécurité, si je me souviens bien. Mais de là vient son déclic, en fait, de faire des films. Après, il fera Rengaine, hein, film guérilla. C'est vrai aussi de Jean-Claude Barni, qui a connu Kassovitz sur la scène, à l'époque de la scène hip-hop parisienne des années 80, et qui va être responsable de casting, en fait, notamment sur La Haine, qui a un petit rôle aussi dans Métis, et qui va devenir le grand réalisateur de la nouvelle génération antillaise. Donc, c'est intéressant, ce film, déjà pour ça, en fait. Dans la mesure où il a débloqué, en tout cas, il a permis, ça a été une sorte de tremplin pour pas mal de... Après, bon, ce qu'on remarque quand même, c'est que sur les trois acteurs principaux, un seul a vraiment réussi, c'est le blanc, Vincent Cassel. Le personnage de l'arabe, donc lui, l'acteur a plus ou moins réussi, mais à l'étranger. Quant à l'acteur noir, Hubert Condé, il a un peu disparu, on l'a retrouvé dans Plus belle la vie. Depuis les années 2000, il y a un mouvement en France qui existe, de cinéastes, souvent issus d'ailleurs des banlieues, Pascal Tessot. Oui, tout à fait. Il y a eu l'émergence, grâce au numérique, d'une autre forme de narration, beaucoup plus libre, avec Donoma, de Jean Carénard, Rengaine de Rachid Jadani. Puis avant, il y avait eu, il y a bien longtemps, dans les années 95, État des lieux de Richet, qui est un film Star Hold Up, et il y a eu aussi Hexagone de Malik Chiban. Bon, ça, c'est les premiers banlieusards à avoir fait des films pirates, on va dire. Puis après, il y a eu Wesh Wesh de Rabah Emerzheimesh, je crois que c'était en 2002. Mais c'est vrai que après, il n'y en a pas eu. Et l'émergence de Donoma de Jean, je crois que c'était en 2009, qui a été sélectionné à l'Acide à Cannes, ça m'a pété à la tête. J'ai dit, mais ce mec, il est l'héritier de Paul Carpita, mais de Spike Lee, et voilà, une fraîcheur qui ressemble aussi au cinéma indépendant américain. Voilà, moi je suis un grand amoureux du cinéma afro-américain, notamment, avec des gens comme Melville Van Peebles, mais Haile Gerima. Avant, il y avait donc Martin Scorsese avec Who's That Knocking at My Door, Charles Burnett, qui ont fait des chefs-d'œuvre avec très peu d'argent et qui ont voulu révolutionner le cinéma mainstream. Donc il y avait une sorte de contre-culture qui est née dans les bancs des facs américaines. Nous, on est en France, on a grandi avec le hip-hop, qui est quand même à la base une contre-culture. Et du coup, bah, c'est logique que ça se décline maintenant en cinéma. Moi, j'ai fait Brooklyn avec un appareil photo qu'on a mis autour du cou. On m'aurait dit ça il y a 10 ans, j'aurais jamais cru que c'était possible, faire un long avec un appareil photo. Et l'image, elle déchire, c'est vraiment très beau. Donc voilà, c'est des gens pas bien nés, on va dire, qui en ont marre de recevoir des noms, des rejets en permanence. Moi, sur mon chemin, j'ai reçu beaucoup de rejets, de noms, les écoles de cinéma, les commissions, les boîtes de prod de cours qui vous rejettent, les festivals qui vous rejettent. Voilà, et au bout d'un moment, la porte est fermée. Donc la seule manière de faire péter le verrou, c'est d'être en mode hip-hop, en mode fâché, et de dire on n'a pas besoin d'argent, on va s'exprimer comme on ferait un album, un street album de rap. Donc c'est vraiment cet état d'esprit-là qui vient des États-Unis, des pauvres américains qui disent nous on existe. Et cette émergence-là m'a porté, quoi, quand j'ai vu Donoma, Rengaine... African Gangster et tout ça, je me suis dit, moi je veux faire partie de cette aventure humaine qui est fantastique. Et avec Brooklyn, j'ai donné la chance à beaucoup de jeunes qui n'avaient jamais fait de cinéma ou jamais de long métrage pour mes techniciens. On était une quarantaine sur Brooklyn à Saint-Denis et je les ai amenés jusqu'au Festival de Cannes. Et le film a fait le tour du monde, on a fait 60 festivals dans le monde. On l'a montré en Allemagne, Standing Ovation, on l'a montré à Los Angeles, à New York, partout, et on a tapé juste. Quand on est dans le local, et qu'on est précis, et qu'on est juste, bah on peut toucher des gens qui viennent pas de ce monde. C'est ça la magie du cinéma. Mais Yazid, pour toi, c'est quoi la frontière entre le rap game et le rap conscient? Toi, t'habites à côté d'une piscine avec des hummers et des filles en slip? Avec du billet que tu m'annonces comme ça. L'apologie des biatchs, l'apologie de l'oseille, des gangs, des flingues, du crime et surtout l'apologie de la connerie. C'est consternant. Mais par contre, la misère sociale des quartiers dans lesquels on a grandi, ça, celle-là, tu la connais. Les mères toutes seules avec plusieurs gamins qui galèrent pour les élever, ça, tu le connais. nous comblons un manque dans notre précarité. C'est pas une posture de l'artiste qui veut vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est une nécessité de montrer qu'on est là, quoi, et qu'on peut faire aussi, nous, des beaux films. On a improvisé tout le film, tous les dialogues sont improvisés. Je me suis beaucoup inspiré de Shadows, de Cassavetes, et de faire ça, c'est quand même très, très jouissif. On n'a même pas de production, aucun contrat, appareil photo autour du cou, dans les rues. C'est filmé beaucoup de gens issus d'immigration. Tu vois jamais des Noirs qui s'embrassent, sauf dans des comédies. Mais nous, c'est un film d'auteur. Et du coup, bah, on montre une autre réalité de la société française, un autre angle, et surtout, on amène de la complexité. Et le problème du cinéma français, quand il évoque l'immigration, la banlieue, tout ça, c'est soit... De toute façon, c'est toujours commercial. Soit faut faire peur, soit faut faire des films comiques fédérateurs. Et quand tu te reconnais pas dans cette bipolarité de la représentation des quartiers prolétaires... dont je suis issu, et qu'on se reconnaît plus dans le cinéma indépendant américain qui montre les ghettos, mais avec une grande sensibilité, une grande complexité, ben on se dit pourquoi cet espace-là n'existe pas en France ? Pourquoi le cinéma d'auteur urbain n'existe pas ? Dans les chiffres de l'Observatoire de la diversité, donc dans ce pourcentage de personnes non blanches présentes dans les fictions, seulement 9% de ces personnages sont des héros et presque la moitié ont des rôles, on va dire, négatifs, de marginaux ou menant des activités illégales. Le rapport du CSA, d'ailleurs, parle d'un risque de stigmatisation, Catherine Jean-Joseph. Oui, le rapport du CSA en 2016, c'est un constat qu'ils ne font pas depuis 2016, ils le font depuis 2005. C'est un constat qui perdure. Ça veut bien dire quelque chose, ça veut dire qu'il y a une réticence à changer. À un moment donné, tant qu'un casting n'est pas représentatif de la société française, on ne le prend pas. Il faut à un moment donné passer à une manière forte. Il faut être dans cette citadelle pour pouvoir prendre les décisions. Mais une fois qu'il n'y a plus personne comme moi et que je n'y suis plus, on est moins obligé de faire. De toute façon, sinon, on ne se challenge pas à l'international. Et l'international nous le dit. HBO me disait également, des producteurs d'HBO me disaient, mais à chaque fois qu'on voit des séries françaises, il y en a qui sont très bien, mais on voit très bien qu'elles ne sont pas représentatives de la société française. Qu'est-ce qui vous arrive en France ? Chez ABC, il y a une jeune femme noire qui vient d'être nommée directrice de toute la fiction, qui vraiment prend un poids dans l'industrie américaine. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Shonda Rhimes ? Elle fait quand même Grey's Anatomy, où elle met... toute la représentativité de la société américaine. Et ça fonctionne. En France, on adore aussi. Et là, bizarrement, ça ne fonctionnerait pas. Moi, ce que je redoute, c'est qu'on continue à faire du saupoudrage. Des héros positifs, il ne faut pas que ça soit l'apanage d'une catégorie de personnes. Des héros positifs, il y en a partout. Et c'est criminel de la part des décideurs s'ils laissent continuer ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on ne peut plus demander à des jeunes qui ont vu leurs parents ne pas réaliser leurs rêves, de ne pas réaliser les leurs. C'est parti! Oh, passe-moi une clope. Hey, on t'a jamais appris à frapper, toi? Tu peins? Bon, allez, dégage! Non, mais c'est une blague. Toi, tu peins. Et t'as appris à lire aussi, du coup. Bon, hey, tu veux quoi, là? Allez, sors, dégage! Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas me frapper, c'est ça? C'est comme ça qu'on traite les femmes dans ton pays? Mais t'as chaud ou quoi? Allez, sors là! Sors, allez! Elle sort si je veux et quand je veux, ok? C'est ça, allez, dégage! Tu vois, là je décide et là je sors! Dégage! Putain! Ce qui se passe quand même, c'est qu'en 2000, il y a effectivement le collectif Égalité qui s'invite au César pour tirer un peu la sonnette d'alarme. Dire, il y a un problème là. Les Noirs ne sont pas représentés dans les médias, il faut faire quelque chose. Les Noirs et les minorités en général. Ce qu'on observe, c'est qu'en 2005, il y a les fameuses émeutes de banlieue qui vont obliger l'État, en fait, à prendre des mesures. Ça va être la création de la commission Images et Diversité, avec le CNC, qui va, en gros, l'idée, c'est de promouvoir, d'aider financièrement les films qui mettent en avant la diversité. Donc, c'est quand même, en 2005, on est sur une forme de discrimination positive, finalement, si on regarde bien, comme on peut faire avec les femmes dans la parité en politique. Cette idée volontariste de promouvoir un petit peu la diversité française. Donc, ça commence à changer là. Et effectivement, en 2012, Intouchable, c'est un peu la conséquence de tout ça, et c'est un vrai tournant. C'est-à-dire que là, on a quand même un acteur qui est césarisé pour un premier rôle, Donc jusqu'alors, un seul acteur avait été césarisé, c'était Isaac de Bancolé en 87 dans le rôle du meilleur espoir, pour le César du meilleur espoir. Donc là, c'est un premier rôle extraordinaire. Et surtout, c'est un film qui cartonne, qui fait 20 millions d'entrées. Je sais pas si on imagine, mais c'est un Français sur trois qui l'ont vu en salle, quoi. Ça faisait tellement longtemps que le cinéma n'avait pas eu ses stars noires. Quand même, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des stars noires dans le sport, bien sûr, en France, dans la musique. Il y avait un boulevard dans le cinéma. Omar Sy est arrivé au bon moment. Il a du talent, mais c'est vrai qu'il remplit un vide qui était criant. Alors le problème aussi, c'est qu'on a l'impression soudain que, et d'ailleurs je m'en doutais dès 2012, quand il y a eu le César, c'est que, voilà, on a récompensé un noir, maintenant c'est bon, c'est fait, on a un acteur noir, c'est un peu le noir de service, et voilà, donc on n'est pas raciste et c'est réglé, quoi. Sauf que ça n'a rien résolu, en fait. D'une part, parce qu'il est le seul acteur noir d'envergure en France, qui on peut citer sinon. Aïssa Maïga, éventuellement, Joe Star. Éventuellement, mais encore. Donc, c'est vraiment le seul acteur noir de renom. Et par ailleurs, ce qui m'embête le plus, c'est que finalement, il interprète des rôles encore stéréotypés. Bon, on y va ? Ça fait une heure que vous êtes scotché, là. Faut changer de chaîne à un moment, là. Beaucoup de sérénité qui se dégage de ce tableau. Et même une certaine violence. Je trouve très touchant aussi. C'est touchant des taches rouges sur un fond blanc ? Mais ça coûte combien, ça ? Je crois qu'il est à 30 000 euros. Mais je peux vérifier si vous voulez. Ouais, vaut mieux vérifier quand même, parce que ça me paraît exagéré comme prix. Vous allez pas acheter cette croûte-là à 30 000 euros ? C'est pas possible, ça ? Ah bah si, si, c'est possible. Mais le mec, il a saigné du nez sur un fond blanc, il demande 30 000 euros ! Dites-moi, Adrice, à votre avis, pourquoi les gens s'intéressent à l'art ? Je sais pas, c'est un business ? Non. C'est parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. C'est une connerie, ça, Philippe. Moi, pour 50 euros, je vais chez Casto et je vous la fais, la trace de mon passage sur Terre. Je vous mets même du beurre bonus, si vous voulez. Allez, arrêtez de dire n'importe quoi. Donnez-moi un chocolat. Non. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Omar Sy recycle dans ce film, enfin pas lui, bien sûr, les auteurs, c'est une vanne, hein. Recycle trois stéréotypes historiques du noir. C'est la nounou, c'est celle qui s'occupe du malade, qui le lave, qui le fait manger, etc. C'est le stéréotype du jeune de banlieue, puisqu'Omar Sy interprète un jeune de banlieue, un peu voleur sur les bords, etc. Et aussi le comique. Le comique est là pour détendre l'atmosphère, pour faire rire avec son grand sourire banania qui fait que des blagues. Le pote cool, quoi. Là, vous avez les trois grands stéréotypes sur le noir. Vous avez fait le tour. Et ça, c'est très embêtant. Mais si on va plus loin, et c'est là où c'est encore plus pernicieux, ce que joue Omar Sy dans ce film, c'est un corps. D'ailleurs, il le dit volontiers en interview, il s'est musclé, etc. Il est le corps du paraplégique, interprété par François Cluzet. Très clairement, ça, c'est pas innocent. Alors, personne ne l'a vu, et pour moi, ça me choque. Pourquoi ? Parce que le noir a toujours été un corps dans l'imaginaire blanc, français, occidental et colonialiste. Le noir, c'était l'esclave. Ça a été le tirailleur sénégalais, la force noire. Ça a été le sportif, hein, le boxeur, le footballeur. Ça a été le travailleur immigré, donc la force de travail. Et bien sûr, tout ce que ça connote aussi de performance érotique aussi. Hein. C'est bien connu, le noir, il est hypersexué. Et ça, c'est un vrai problème, parce que quand on renvoie systématiquement le noir à l'aspect physique, en fait animal et finalement primitif, on lui nie aussi l'aspect cérébral intellectuel. Omar Sy, dans ce film-là, en fait, il amène en fait du sensitif, du sensuel au malade, en fait, au handicapé. Et ça, c'est une tendance depuis très longtemps. Le noir incarne celui qui va nous libérer un petit peu par la danse, par la musique, par le rire. Et ça, c'est problématique parce que finalement, qu'il y ait un personnage stéréotypé dans une comédie, bon, on a l'habitude, hein, la comédie n'est fait que de stéréotypes. Mais le problème, c'est que les noirs ne jouent que ce type de rôle. Dans la publicité, dans les médias et dans le cinéma, etc. D'ailleurs, ce que je trouvais assez pathétique, c'est que Omar Sy, quand il passait sur les plateaux de télé, on lui demandait très souvent de danser. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Earth, Wind & Fire, on en a déjà parlé. Écoutez, c'est une tuerie. Parce que tout le monde a retenu cette scène. Alors, de la danse. Ok, il danse bien. D'ailleurs, comme Joe Star, d'ailleurs, dans Police, hein, et comme la fameuse scène dans Bande de filles, où les filles se mettent à danser sur du Beyoncé, je crois, non, du Rihanna, je crois. Et tous les critiques étaient en admiration devant ces scènes de danse. Ça dit beaucoup de choses sur les résidus de colonialisme qu'on a encore en tête, quoi. À l'époque où Isaac de Bancolé joue dans Black Milk Mac, le stigmate est lié finalement à l'origine donc du voyage. On le voit voyager, il part d'Afrique pour venir faire une arnaque à Paris. Quand on retrouve dans Intouchables Omar Sy, c'est pas le voyage depuis l'Afrique, c'est-à-dire le voyage se fait socialement. C'est-à-dire que finalement, c'est le jeune des banlieues, avec son univers d'arnaque également, avec sa façon maladroite de parler aussi, sa façon de se bouger qui n'est pas bon teint, qui va déplacer le personnage du paralysé, celui donc qui a besoin justement d'un aide. Là où il y a quelque chose qui évolue, c'est que cette paralysie-là, elle parle aussi de la paralysie, peut-être, de la société occidentale, du monde blanc, et en tout cas, d'une part de la société française qui est effectivement paralysée aussi, et qui a besoin, peut-être, de se laisser aussi secouer par cet autre monde. On peut aussi lire le film comme ça. Il me semble qu'on est un petit peu plus dans la complexité. On est, même si il y a effectivement une lecture qu'on a considérée comme raciste du film. Cela dit, on retourne vers les mêmes schémas, c'est-à-dire que là aussi, Omar Sy se retrouve aujourd'hui avec presque toujours les mêmes types de rôles à jouer. Donc, comme Isaac de Bankole, il va faire le choix de partir à Hollywood pour travailler et pouvoir avoir des rôles avec une palette de rôles un peu plus large. Justement, j'ai pu suivre comme ça sur des décennies en fait l'évolution de l'image du noir dans le cinéma américain qui a beaucoup évolué. Effectivement, en France, on en est encore aujourd'hui à l'époque des années 80, début 80 avec Eddie Murphy. Et Omar Sy joue ce même rôle en fait. Le noir cool, sympa, mais qui est complètement coupé de son contexte social, des questions raciales, etc. Et oui, très clairement, en France, on a 30 ans de retard sur les États-Unis. On peut le vérifier aussi en termes de récompenses, par exemple, hein, sur les Césars et les Oscars. Hé, hey, Mook! Mookie! Quoi? Do the right thing. Pourquoi y a aucun black sur le mur? De Spike Lee. Demande à Sal, mec. 1989. Sal, pourquoi y a aucun black sur le mur ici? Tu veux des blacks sur le mur? Achète-toi une pizzeria, tu pourras faire ce qui te plaît, d'accord? Tu y mettras tes frères, tes oncles, tes nièces, tes neveux, ou ton père, ta belle-mère, moi j'en ai rien à foutre, tu sais. Mais ici c'est ma pizzeria. Americano, italien sur le mur seulement. Relaxe-toi, papa. Oh, toi, commence pas, hein? Quoi? Ah oui, ça c'est ton point de vue, sale, mais moi je suis client ici, hein, et c'est rare que je vois un américano-italien dans ce trois-rats. Tout ce que je vois, moi, c'est des blacos. Alors si tu veux qu'on dépense tout notre putain de pognon ici, eh ben, nous avons notre mot à dire. Poum. Si on voit l'évolution du cinéma américain, années 50, quand même très blanc, hollywoodien et tout, il y a eu donc l'affirmative action, où ils ont imposé 7% de gens issus des minorités à la télévision, dans les émissions, les téléfilms, les séries et le long métrage. Et c'est ce qui a transformé complètement de l'intérieur la diversité du cinéma américain. Pourquoi on ferait pas pareil en France? Pourquoi on mettrait pas un quota social, on va dire? Puisqu'il y a une reproduction sociale, on dit, voilà, la féministe, c'est une reproduction sociale de la petite bourgeoisie, bien éduquée, etc. Bah, pourquoi on mettrait pas un quota de 7% de gens issus de milieux modestes? Voilà, imposer une diversité, puisqu'elle ne se fait pas dans la méritocratie. Et on a bien vu que ça marche à Sciences Po, ils ont fait ça. Et voilà, il faut juste laisser ouvrir la porte, en fait. C'est ça le plus dur en France, c'est que les portes sont fermées. Moi, je suis pour les quotas sociaux, et c'est un vrai tabou. Dans la gauche bien pensante, républicaine, laïque, méritocratique, ils sont complètement hostiles au système de quotas, parce qu'ils l'ont traduit par discrimination positive. Déjà, la traduction est une trahison. Affirmative action, il n'y a aucune discrimination là-dedans. C'est encourager des gens qui n'ont aucune possibilité de rentrer dans le système. C'est une action politique. Tu mets 7% de gens issus d'un milieu ouvrier, c'est quand même pas beaucoup, 7%. T'as 93% autres. Donc, dire que c'est discriminant, c'est... Ouais, c'est du racisme social. Le regard vers l'horizon, sans moi naviguer serait impossible. Ma mission, prévenir les matelots lorsqu'arrivent ceux qui nous ciblent. Un pirate est fidèle, je retournerai pas ma veste, resterai posté pour éviter qu'on nous renverse. Le bitume est ma mère, mon bloc est mon navire, toute la cité est mon équipage. Comment veux-tu qu'on chavire? Je suis le gardien de notre trésor, je tiens les rênes, je suis celui qui reste fort quand retentit le chant des sirènes. Je suis la vigie du ghetto, pour moi être vigile c'est bidon. Depuis que je suis petit c'est la guerre gros, mais moi j'aime ces murs en béton. Mon œil en guise de longue vue, de longue nuit, je veille ainsi assis à guetter l'ennemi pour ne pas voir l'empire béton. Écran noir, mon cœur est froid comme avec les hivers, Greg Germain, Yasmine Modestine, Pascal Tessot,